programme de samedi, rassemblement des groupes folkloriques et brûlage du Gilles à 19h30 sur la place Jean Delvinquière, suivi de la soirée carnavalesque, avec intronisation du prince du carnaval à partir de 20h à la salle Roger Salengro. Dimanche 11h, face au perron de l'hôtel de ville, arrivée de Jeanne de Wetrelo, Ferrand du Portugal ou encore Thomas de Savoie. Défilé carnavalesque, départ 15h de la place du Crétinier, puis soirée de clôture à la salle Roger Salengro, avec entre autres invités Martine, Valérie et Nounours. Plus d'infos, office de tourisme 03 20 75 85 86. La flûte en chant troubé, du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril inclus, au conservatoire de Roubaix. Masterclass et récital, Jean-Claude Gérard et Frédéric Chatou. Audition d'ensemble de flûte avec pour terminer un concert rencontre, la flûte, le jazz et l'improvisation du trio Espace Impair. Programmation complète, conservatoire, 80 rue de Lille à Roubaix, 03 20 70 70 89. L'Office de tourisme Wetrelosien vous propose un atelier géant à l'occasion du carnaval 2007. Ce samedi 31 mars, 14h30, réalisez un géant miniature à l'aide de rotins selon la méthode traditionnelle. Après un délicieux goûter, vos enfants repartiront s'ils le souhaitent avec leur réalisation. Les inscriptions se font sans plus attendre au 03 20 75 85 86. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. We'll be right back.

lesson. Control you now. Lesson.